The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To be. Être. Last night. Hier soir. Theater. Le théâtre. Which. Quel. Play. La pièce. To hope. Espérer. Lawyer. L'avocat. Now, a bit faster. Theater. Le théâtre. Which. Quel. Theater. Le théâtre. To be. Être. Theater. Le théâtre. To be. Être. Which. Quel. Play. La pièce. Lawyer. L'avocat. To hope. Espérer. Lawyer. L'avocat. Play. La pièce. Which. Quel. Now, use the words in context. Être. You were at the theater. Tu étais au théâtre. Hier soir. Did he leave Paris last night? Il a quitté Paris hier soir. Le théâtre. I have theater tickets. J'ai des places de théâtre. La pièce. This play is by Shakespeare. Cette pièce est de Shakespeare. Quelle. What is your last name? Quel est ton nom? Espérer. I hope that the teacher isn't there. J'espère que le professeur n'est pas là. Le théâtre. I have theater tickets. J'ai des places de théâtre. La pièce. This play is by Shakespeare. Cette pièce est de Shakespeare. Quelle. What is your last name? Quel est ton nom? Espérer. I hope that the teacher isn't there. J'espère que le professeur n'est pas là.